sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance. Fresques dessinant sur fond de commerce, mêlés aux meules ou dorés comme si l'on passait une limace dans un four dorant. Alors que la fratrie ne dirige pas le point vers l'ultime, ne parvenant pas à diminuer le trajet, alors que finalement le point final de soi à soi ne peut être parvenu à être écrit. Non, quoique c'est fait idiotiquement, sur fond de sottes engeances, traversant contrées et tribulations incantatoires pour permettre à parvenir à nettoyer la sale perversion de ces abjectes et défécatoires entités. Pourtant, la tendance serait au virevoltement de violons sur base de graves attitudes comme la la la à base de flanc vanille grumelé comme grumeau. Texte dialectiquement didactique quant à l'emphase apportée à l'opérandus maudit ou inversement soit. Ainsi va l'éclat qu'à la fin de l'éclat, les chats n'étouffent même plus les pas. De l'être vil et pernicieusement veulent qu'ils glandent à non pouvoir sortir du système porte-fenêtre, dodo, métro, boulot, joie, punition, récompense, carotte, bâton, ratonnade, bastonnade, enclume, territoire, etc. Alors, pour ce faire, il faut récolter sa signature sur un bout de papier sale de mayo frite, ketchup, graisse frite, étincelante comme un voyage gras au bout du fin fond de la route enivrante comme métaphore physico-cosmico-comico-tragico-décoco de merde au cul des autres, ceux qui n'assument point le point. C'est là. La voie est traversée horizontalement de piano, à tombeau ouvert, à queue qui bordelle du verbe bordeler ou de borde, rouge et le sang brillant, sûr que la neige qui efface traces et tapis de glace, ainsi va vite à des raisons que l'autre moi, ce cela, in extremis, qui définit moi, le soi par analogie, alors le non-soi comme adverse territoire d'une même vague ou bulle, ces territoires adverses inconquérissables comme l'éloge du sable jaune, blanc, noir ou rouge, il coulera sur les ponts avant de les engloutir tous et toutes. Je vois la solution qui se profile au loin sur l'horizon placide d'un acide domaine de putréfaction latente qui occasionne le faire-face de chaque individu réagissant à des stimuli externes. Quant à l'interne, parlons-en de l'interne. Pour le moment, l'espèce humaine se contente des riens, reste qu'on se laisse les uns aux autres, les unes aux autres, les destins frappent. Entre chocs, entrelacés, les répertoires numérisés côtoient les fiches des RG, alors qu'il n'y a pas d'assommante victoire. Les stations herbivores de la montagne décident de rien du devenir en tout, et pour tout, rien de bien. Alors que, jusqu'ici, la cohérence frappe de l'inciter. Alors plutôt que de l'inciter, j'opte pour la solution inachevée car inachevante, alors que la passion préfère de la mer qui atrophie le ciblot le long de côtes enneigées. Certains, débilitante, la mort de l'être, non passage car finalité intransigeante, inéluctable même que je ne mens. Alors que les fructivores dévorent les carcasses purulentes du système solaire, les parents omni-races sont de certains dépassements. Alors, que dire de leur cohérence à ces gens-là, hein, qu'en dire pourtant, l'essentiel, qui reste non-dit, n'en est pas pour autant si complètement énigme, car du fait de l'adverse territoire et de l'azur bleuté, du fait des entendements obsédants sur fond, du fait de l'entente bulaire ou bulesque même que sans air c'est mieux, du fait de l'entremise abjecte façade, j'opte donc pour les non-chatoyantes vérités, blasphèmes impudiques, pourquoi j'ose dire les impudicités bilatéralement sur deux fronts, celui de la syllabe et celui de l'articulation, etc., pour permettre la voix, alors que syllabe intransigeante, c'est au fond dans le placard, au fond des chiottes, alors que je crains d'habitude, ça revient, je me reconnais bien là. La saveur tangible. The paste is gloriously wasting away the mace on somebody's face. So I wake up and spray the can on someone's own little nest while the place is well. Irritating. Ted wakes up to someone spraying a can of mace on his own little nest hole while the place is well. And, inishingly, he plunges forward to remain unfeathered, plucked from the outer realm and shuttered down to oblivion. The gamma rays clash on a green clash of a giant's toe like Poe or Foe, or shit, it won't be said no, so here goes. There's another western shit foe, eye on, eye wondering, of happy bliss is another embedding clad, not against a quiver about a boat tool. I foot quarrel as like Operandus, that sandburst, the mirror holy us, I hold on to the night of no wonders, own little shithole of a common camp-like figure of speech, as I said before the belly ache passed. et les exigences citoyennes de merde se chient dessus, ainsi que les géants à pieds nus traverser des clats de glace pilés à mort. Exposer les exposés exposables revient à annihiler l'espoir un temps soi en faisant traverser le gens l'énergie de tous à tout ainsi que du tout autour. Rien ne changera au final, rien n'y a changé, pas de nous, pas de miroir, pas d'azote liquide pernicieux, instable et inquiet comme étude de l'inquiétude, comme inextrémiste révélateur de rayons de soleil. Alors que soniquement, la déchirure n'aplatit pas le ventre, du coup, j'en ai gagné une, de plus ou moins, halle de fringues, jetée à l'abandon, jetée en désarroi, totalitairement hallucinante, halogène, lampe, comme idiot, de réserve, interdite, au public sortant, ou rentrant d'ailleurs, la poste est traversée ne débilite pas l'omnibilance, traversée de l'absurde, vers quel sein se tourner, le plus ou le moins, le gauche ou le droit, le placide ou le fervent. J'admire les passions enivrantes de simples difficultés, ou avec des S. Allez vous faire niquer, bande de tarés, du cipot de merde. 1, 2, 3, 4, je vais encore te sortir un plan de merde. Alors va niquer, va niquer, va niquer la société, va niquer, va niquer, va niquer la société. The key. It all starts off pretty simple and all. It ends up being hard to do too. But here goes away. There was this kid once, kept reaching across the hall. So that's what there's to it. It's weird and funny, funky, kind of. Like poison ivy, and fucked up too. Twisted alongside furs, and where it went as planned. It all came down to one thing. This never happens alone. And it's gotta be found. So looked for, and that's it, so here goes, another sequence of sorts, you will find it to be quite something, but well, you know, too bad, and here's to where, it's out, the key, it's the key it's about, cause that's what I came for, and suddenly it sharpens together, moist, alone, kind of wolves, and fucked up too, well not exactly, more like it's always been that way, so fuck it all then, and that's what it's all about. That's what it's about. Together with going and giving away their all secrets, powers full of shit, and they're fucked up and they're quitting out during Klingdom. So that's what there's to it. Well, no, it's more like the key is about it and enjoys power and ambition and fucked like shit in the rectum. So's the ladder down the valley, down the hill, charmed by a power, and there's to it. So fuck it. So here it goes again, key in, along like there, something to it. So here it goes, well maybe, and something like there's no power. And there's no way in hell I'll be able to go there. So scatter and tone up to the hill in hell where people die. Fuck this shit again, but there's no point in grasping. So here's to it, fuck again. So here it goes again, and everything one more time, fuck. The key. So again and again. It just came up looking for it, and they got it, they died alone, spilling alongside of hell, so here it goes again, it never came to me to notice what was up, and that's what came up, they rushed through the door as they come and twisting once more against the wind of doors, broken down by all these rotten ones. Hanging out to be happy, so goes the brain-filled, enthusiastic fucking joy. So here goes once more. And also, instead of skipping, let's see what the fuck we're talking about. Shreds and breaks against the asylum. Give it to me on the 1-2-1-2 killing spree streak. Full of light and dangerous, fierce, enraged, hostile. Au revoir, qui disent. Ils partent tous, et tout, c'est tout ce qu'il reste. Alors voilà, avant qu'il n'y ait de l'enfant. Blabla, et c'est là. Blabla, c'est isolé. Blabla. The phantoms stare with anger. Throw yourself through. There's this joke about it too. Like this. It's all behind being. So here's to it, goddammit. Let's get out of here. Fat black pens full of puss. So here's when they all shocked. Curling along, suddenly it all came down to it. So when's to say the truth important? His other's approach is to tendencies, its tendrils. Mixing up with another mesmerizing occult bullshit. I'd like to know, well, too bad if we don't. Crappy shit. Staying in health. That's where it is. And suddenly it all goes down to it. So where's to it? I kept saying, what the fuck? So here it goes alongside. And there's an idea I got, so here it goes. With all these others. Whose names, after all, well maybe. So here it goes. I got a chance to tell you about the key. Well now to the key. Happy birthday to you, happy birthday to you. The key keeps dragging, and it's not over yet. Alors, quand il me dit ça, j'ai dit, putain merde, ah, voilà, ainsi continue l'histoire de la clé, ou clé, je sais pas quoi. Ainsi, comme l'histoire continua pas longtemps, ainsi j'emploie le passé simple de merde qui pue. Quant aux autres, je les y laisse. Parce que finalement, c'est pas la peine. Apprendre à tenir, à se résoudre. Et quand ça pète, tout le monde est là. Putain, chat, bien fait. Et c'est là que débuta les débats. Alors que je te vois, je n'entends pas bien. Funèbre oraison. De mer, t'impu, chiotte. Et c'est là que les prières répondent. Elles reviennent et bah, dans la gueule. Parce que finalement, enfin, bon, presque enfin, il n'y a pas de débat. Car à la fin, il n'y a plus rien à débattre. Et que l'on abatte le ministre. Merde, putain, fais chier. Je sais pas quoi mettre. Alors, parlons de la clé, ou la clé, la fameuse histoire, et ainsi vint l'ère du partage, ainsi il dit que c'était la fin d'une ère, et attaché dans le dos, les mains s'aiment l'une l'autre, et font l'amour des mains, font des huîtres ouvertes, et les coquelicots s'amenuisent, mais bon, voilà ce qui s'est passé, et c'est à ce moment que les mains s'aiment. Elles perdurent quelque chose, et encore autre chose, oui. Non, c'est vous. On a postcard of atropine, the pocket is on the oil again, ritualizing the wanna being and tracing lines on a window of good thought, cause it's all gone away and it's wasted and wanted and realized as it's all wasted contre la trousse avec un semblant de vérité vraie comme un zoo d'animaux empaillés. Et à chaque fois ça pète le cul et ça explose en boutons sanglants. Parce que finalement, l'on ne veut pas réaliser avant que ça ait commencé, que c'était déjà fini. Mais merde, parce que ça coule le long et ça coule le long, parce que ça coule le long. Voilà, je suis comme ça moi et ça me tue. Mais bon, voilà quoi. Alors va pour la barbarie. Et ça n'impose pas un modèle, ça occupe, parce que ça prend du temps. Alors voilà, il faut faire avec, patience et le début, merde. Juste jusqu'au bout extrême de gerber, parce que c'est bon de gerber, le dégoût de ne pas gerber, bouffer de l'intérieur, et à cause d'une certaine anxiété, de l'extérieur aussi, bouffer. Tout bouffer, complètement bouffer, de merde qui pue. La merde, voilà, vas-y, faire en parce que c'est ça, et c'est tout. Et ça sent la merde, et la main à la face, que la finesse se casse avec un trait d'union entre éjaculé et vagin. Alors voilà, tout d'un coup, les choses s'excitèrent en faveur d'une défaveur de chiottes qui, quoi, ou, qu'est la merde bien crade, voilà. Je sens partout de la merde, les gens, les voitures, les chiens, les punks, partout de la merde. C'est tout un chocolat fondant de merde, fourré à la crotte. Non, c'est bon de manger ses crottes et de boire sans foutre. Que c'est bon de goûter à sa cyprine, c'est encore mieux que ça, c'est du miel. Quand ça part de travers, ça y est, le but est atteint. Et ainsi, tout se fait et tout se fond en place. Et quand ça se fond en place, ben voilà quoi. Et ça part bien, comme ça on y comprend mieux. Oui, tout je te promets, allez laisse tomber, laisse faire, le plus je te vois, le plus je te vois, voilà. Et quand ça passe, on peut faire comme ça, ou comme si, comme on veut. Et quand comme on veut, ben voilà quoi, et c'est encore mieux, comme ça. Et on prend des baffes, plein la gueule, faire deux par deux, ainsi on mène, ainsi t'es dans la face, comme on veut. C'est comme ça, et tout ce temps passé à dépasser se passe en fait à trépasser, car ainsi t'es, et tu te fous du reste. Mais comme tu débutes, tu préfères le vider, te vider le cerveau, comme tu dis. Shitty brain, it's all fucked up, all shitty and bummy. Like an acrid smell of urine and wine floating in the air, cause that's what it's about. Working is schwierig, so here goes. Working is fucking schwierig, so here goes. La merde se met en faveur d'elle-même, la merde. The shit. C'est la vie qui passe, se dépasse, se trépasse, et quand il n'y a plus de vie, alors c'est fini. Il n'y a plus de vie, merde. Quand c'est mort, putain, putain. Alors va, communie et nique. Alors toi là-bas, nique, c'est un ordre, voilà, voilà. et discute pas. Mange cette bonne bouille, gamin, va. Alors quoi de neuf? Depuis le caca, ça va? Et merde, j'ai posé un truc involontaire, bah merde. Fuck this shit, spit and muckus, sticky shit. Poisseuse affaire, alors merde, quoi de neuf? Merde, j'ai involontarisé. Puisque arrive super, and I fuck him in the ass, yeah. Et je l'encule à sec. Day your eyes and bulge him, make him dry and bleeding. Fais saigner les yeux, s'il te plaît, parce que je veux voir ça. So here goes for another session of explaining and reasoning like shit does. So here goes for another. Yeah, I just say that, oh well, so here goes. Shut up, okay, go wild, cause contre le vent, ne pas le craindre. T'en veux d'autres secrets de merde qui servent à rien, sauf à être en phase avec les changements dans le vent. Genre directionnel et intensiciel, la différence entre né et bien vivant. So what the fuck, je ne sais. I don't give a shit, je ne sais. I piss in your throat, je ne sais. I shit in your mouth, je ne sais. I jerk off on your asshole, je ne sais. Donc voici le lettré apparaît, ainsi l'illettré, ainsi va la vie. I was juvenile, here goes nothing. There's no denial in beginning. Alors voilà, c'est à la fois sanguinaire et jovial. C'est un cum qui fume sa meuf et qui court. Il court de tout, ses soucis, ses allures, ses illusions, tout. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est à soi de faire en sorte que. Voilà, alors voilà, voilà quoi. Et il y a un putain de stick dans ma piole, merde. Je vais vérifier le four. La porte se ferme à nouveau pour une ère de paix sans prospérité, mais une paix équitable pour les justes. Mais bon, quand je dis ça, je veux évidemment parler de nous, ma famille, mes amis, ma famille d'amis, ma clique, quoi, pas de vous. À la limite, un jeu ou un nous singulariste, gaulliste presque. Perceptiblement, les yeux s'ouvrent sur une façon de faire exhumer des fins fonds, une catacombe païenne. Ah, nos sticks ont été préservés tout ce temps. Il ne me reste néanmoins pas d'œuf pour témoigner de l'incroyable célérité de reproduction. Et comme un moustique, bon, remplir la demeure de conneries, genre parapluie ouvert, glace pétée, chat noir et marc de café, trip à l'air, rassurément, exubérément, pinaillement chaud. Et c'est à ce moment précis que l'ensemble s'effondre sur soi. Et c'est à ce moment précis que l'implosive déflagration sonne les êtres présents à la rigueur de la règle. Mets-toi à genoux, bonhomme, et plie-les à la perpendiculaire. Penche-toi en avant, calé sur les mains. Maintenant, c'est à ce moment précis que tu cries en ouvrant les yeux. Des gouttes de transpi coulant à flot de ton front, à tes yeux, en passant par tes sourcils et tes cils cramés. Cramoisi, le sang qui coule de tes pores vient tacher le drap et t'empête des bulles écarlates. Même Scarlett O'Hara n'a pas vu ça. Tout le monde quitte son poste pour observer le spectacle. Des milliards de paires d'yeux rivés à une calibrée vision émise sur une fréquence si élevée que les sens se sont bernés. Impermanent, ce mode de transmission d'images et de sons est voué à la mission considérable qu'est la perte de la spontanéité, espèce humaine. Il est vrai que d'aucuns à certains ne recommandent que peu la télévisuelle dictée. Mais oui, mais en mettant à faire fonctionner l'esprit malsain et critique hypocrite des sticks sociétales, ainsi, c'est à ce moment précis que l'on introduit la notion d'irrespect dans celle de prudence. Alors quoi donc peut-il nous faire vibrer? L'instant? Ou, or the instant, which one says are the same and only ones. C'est la même, avec ou sans l'instant présent. N'écoutez pas ceux qui disent le contraire, merde. And it's awful how sick it goes to be one or two is the same, in fact, on purpose, it opposes itself. So here it goes on and never stops. It fills the emptiness, the void is full, le vide est plein. Mais ce ne se peut, si, ce se peut, ce se... Merde, j'ai encore fait une rature. Et seul dans la rue ça se passe, quand même. Even if it don't seem like it, it does never end. And it's full of shit and all that crap. And too bad, and but finally it goes on, not forever, it just seems like it. The attention is carried away from the main point, dot dot dot, three dots, trois points. Alors quoi, toujours rien de neuf? Non, toujours pas. Mais merde, putain, ce ne se peut, si ce ne se peut, mais peu. Dépecer la volonté est condamné à errer sans fin, comme des wagons en wagon, d'un train qui démange, démangeaison, prurite psychosomatique. Mais merde quoi, merde. en parlant de merde. Je voudrais tant pouvoir dire des choses importantes. Ce qui m'importe is that with you, I can do whatever I like. I have to do whatever I need to, which means you, I do you, because you're that. You're the instant, you're the key, you're the shit, and it's all about you to be attentive, careful, and all the rest. Birthmark. With noise, all is possible. Avec le bruit, tout est possible. Car endormi de travers, sans, en plus, que la plupart des endormis de travers, sans, car traversé par le sang d'encre noire, l'encre est posée, et posée, possédée d'esprit sacro-saint, comme des saints esprits traversés de glace, glacé comme l'esprit qui est pris saint, dans une entièreté permise, auto-permise, self-permitted thing, as in hungover like this, but not like that. That's what we killed. The key, so what the fuck it fuck, so here's the key, here's to here goes again, so here it was, and that's when they shut their eyes widely. It's a fucking lie, it's a fucking damn lie, it's dead and dying, it's all over already. But that's when suddenly it's over the hill, sighted on a strip of land, so here was the here goes, so here it is again, but what the fuck, so that's why we do it, so here goes. It's ahead of time, we're splitting the area. Like always, as always, but well, it's already. If only I was here. Ainsi, cerné par un travers, de poids, contre un mur, les pieds attachés, sur un tas de sable, genre coussin, oreiller à 4,90€ en promotion, un repose-tête en latex, polyvalent, indestructible, plastique, synthétique, nous créons des êtres sensibles avec notre plastique de synthèse. Non, ils nous disent. Mais je sais que ce n'est pas vrai, c'est le véritable être. Being is truly unbelievable, restful. Autant que moi, apparemment, tu flippes, you freak out. Autant que moi, évidemment, je trippe. Trop souvent, pas assez, suffisamment. Les châtaignes sont bientôt unites. Comme les carottes, elles sont fondantes. Les bonnes à bouffer, c'est bon. Et comme je bouffe, radical que je becte, l'aviron que je laisse, je te laisserai bien, mais bon, je sais pas si t'es d'accord, plutôt bon, je sais que t'es pas d'accord, pire encore, juste ma tub, stop. Aborder le sujet n'est pas si simple. Le sujet déborde de grâce, de suavité, de délice, d'entrain, il est fait pour avancer. Ce sujet est simple, net et précis, clair. Alors que je te regarde à travers mon miroir, la glace reflète la lumière, ne laisse pas passer l'obscur. Le clair est imprécis, car dépassant la chose ou l'embout, la présence d'autrui permet de se lever. Un pantin, marionnette humaine, et cela qu'on danse, en faisant des gestes de ouf. Oula, ça frise, mais non, si, sirette, cire, et te veux, c'est pas de la souffrance, c'est pas un délice non plus, parce que ce n'est pas the subject, it's there and here, over everywhere, overrated, the images fade, melt, I should say, but I hardly eat any bananas, anyway, well, money, there it is, not here, if you believe, you're fucked, I hope we'll fuck, but I certainly do, but only with you, or without, and the subject is my love, shit, fuck this shit. The subject is my love, there, it's everywhere, it's being alive, it flows for sure. Why am I terrified? Because I'm scared now, I feel better. Now's the time, it won't be able, I won't be able, because it just overwhelms, overrated, like sex, or making, doing, fabricating, industrializing kids. But well, here goes. But well, here goes. I love you so much, it feels bulgy. Ask me that, what that means, please, please. I love you so, so here goes again. It's the best, mostest, good thing, the goodest thing in my goddamn life. You up till now. Mais malheureusement, il n'y a pas d'espoir. Alors tout va, tout s'en va, pour ainsi dire, sainement, les phrases défilent. Mais si seulement il n'y avait qu'ici, qu'il y en avait. Alors voilà, sûrement, toi, t'es pas là, t'es avec d'autres que nous. Escale de bois, ainsi n'ayant pas d'étendu. Nous marchons le long des vagues. Ainsi va la vie, qu'à la fin, elle se brille en mille échardes, car finalement, malheureusement, il n'y a pas d'espoir, car ce n'est tout que l'espoir, il y a aussi le désespoir. Voilà, t'es comme ça, toi, espoir. Ainsi, c'était la fin de la nuit, quand il n'y a pas de lieu où converser, sans être con, et verser, bordel. Oh. étant tout à fait prêt à croire, je ne contemple rien, je m'empare de ce putain d'espace et l'encule. Ainsi je prends un pied monstre à baiser la vie de merde que j'aurais eue. Puis, quand vient le temps des regrets, je maigris pas et je grossis car je ne mange plus et plus gras et plus salé, salaud mon salaud. Encore une fois, cet espoir est lié à un enjeu de désespoir. Car pertinemment, on observe une résurgence de merde, totale, pas self-control du tout. Alors voilà, c'est ainsi. Soi-disant, observer n'est que minime et mimique. Et c'est la fin du bouquin. C'est un gars qui crève de merde. Quoi ? Alors là, non, je ne veux pas écouter de telles âneries, car c'est du gâchis. Ainsi va la vie de merde qui pue et ses fers foireux. Alors voilà, voilà toi là-bas, là-bas. Car tu ne souhaites savoir plus ce qu'il y a. Non seulement que l'éternité n'est pas objective, mais qu'en plus l'on fait trop de dire de tout cela. Tu es aussi cela, merde quoi. Cela t'encule, sale merde de chiottes fondue, savoyarde de mes couilles, je t'ai baisé. Alors il va niquer ailleurs ou repasser, compris. I want you babe, I want you. So here goes again, another again, discipline. So here's to going on. So here goes so on and forever, pour toujours, forever, à jamais. Car c'est de la peine d'imaginer un monde rempli de monstres difformes, arrachés des tripes, bouffés de l'intérieur par des vers pas solitaires, bouffés au cul du cul, rongés, rognés, léchés, le cul de merde qui pue, la merde qui pue. Et alors tu me diras, mais justement, c'est tout le sujet, la derme, l'hyperdermique. Whenever that happens, remember, you are also that. Et cela veut dire merde parce que ça a de la goutte de merde pourrite. Car ainsi va la vie qu'à la fin elle se brise en mille écharpes de miroir brisées contre le lavabo et balancées dans la baignoire. Car ainsi que la page s'est oubliée, le temps ne fait pas défaut. Héroïne, cocaïne, LSD, ecstasy, etc. Cannabis et alcool, tabac, ça va pas, pas trop, en tout cas, la crève. Man, I suck. Car il y a des il y a. Nous devons à présent parler de la merde. Cette matière oubliée, qui est la merdique scientifique, ne mérite pas d'être oubliée. Argument après argument, nous démantèlerons le réseau qui mène à cette merde de chiottes. Alors voilà, nous y sommes. Rien n'a changé. J'ai pourtant parlé de la merde, et vous n'avez rien compris. Bande de merde. When it opened up the door, it opened up. It bloomed the fucking thing. Now it's goddamn upright. And it's irritating. Or goddamn irritative. Yeah. Goddamn corrosivity and fucking corrosiveness. I really don't give a fuck what you think about the fucking place, but goddamn it, they're all us and it sucks. It's fucking corrosive, no caustic, goddamn it. So here goes, where it's going, we're going to causticity. Shit. I don't need them, fuck them. I said fuck. And especially M. Ils sont partout, ces enculés, autour de soi. Mais ils n'ont pas un où ils sont placés, les enfoirés. Ils vont bientôt péter. Et ça va faire un gros boom. Bordel de merde. Aïe, ils sont bêtes, ces fils de leur putain de mère. Et ça passe sur autre face de ce que dit. Et ça pète. Et ça pète encore, mais pas trop vite cette fois. Ça fait hop là. Hop. Pas hip. Camarades, révolution, putain, et ça continue pendant ce temps-là. Certains ont séché, à chaque fois, séquence pourrite, pas nécessaire, possibilité, c'est dit. Allez tous vous faire enculer. It's a hell of a party, ain't it? Car c'est en ce temps que la vue apparitionna, cette pute. Alors voilà, on voit. Fuck. Le monde. Le problème se solutionne peu à peu, sans pression à mort, de turpitude accumulée, macérée, rythmée par une entente à voir. Mais ce n'est pas à ce moment que Jack fit son apparition, en pétant. Allez tous vous faire foutre, qui dit. Alors voilà, c'est tout. C'est comme ça que l'on meurt. N'est-ce pas, papa? Je m'encule. Allons tous nous faire foutre. Cruauté. Cruté, comme beauté. Un monde fait d'aspiration. Jamais, putain d'attente, une merde, alors voilà, comme ça ou pas, c'est putain, comme ça, ça fait peur. Et c'est à ce moment-là que l'on va à l'église Sainte Mère, la pute de Dieu, vois-moi. Mais pourtant le fondement reste sale à chier, crâle à pisser, et conjugue ton cul, sale hop. Moi ce que je veux c'est du hip, ou du ease, oui du ease, parce que ease c'est le top, ease is the best, fucking sing around memory serves. When they appear, there's an apparition, and they swear and spit. So fuck this all purpose, like, soulful, and sweat-filled juice on the twisted spiral fuck. Et c'est ainsi qu'advienne. Suddenly, it shudders. And that's what a thing about it. It don't stop shuddering, doesn't it? I never seen it stopping before, so damn, hot damn, if it won't just go to pot. It's gotta be taken in, but who's gonna believe what they're saying? This old bitch's goddamn motherfucker's always picking on me and spitting in my mouth. Bad fucking mouthers. Or ain't ya? Seen somebody dance cha-cha-cha? Damn you to hell, all these fuck faces need some pretty good fucking excuse this time, I tell you. Putain d'embouchure dans leur casque, et la cassure est nette, et c'est ainsi que l'on fait plaisir de vous en informer. Petite pièce, s'il vous plaît, pitié, j'ai pas fumé depuis tout à l'heure, merci, bon Dieu, trou du va chier. Ouais, je t'encule bise, et ça continue, ça n'a pas de fin, et ça pète, et chie, et rote, comme tous les autres, ça voilà, et puis finalement la page se manque pas d'un attrait avidissant et pernicieux, car explorer pour trouver moins bien passé en termes de confort et d'âpreté à la tâche. Car, enfin bon, et l'on ne peut appeler cela du travail. Voilà la clause. Je sirote mon café en pensant à cet instant, et c'est ainsi que me revient l'histoire de la petite dame qui craqua et fit le pire. Elle ouvrit la boîte et fit péter la vie sur cette terre. Je pue et j'aime ça, j'adore ça même que, parce que, même que je pense à n'importe quoi, et fais encore pire que de la merde, je fais la merde, putain, et quand revient l'instant de manger, j'évite l'essentiel, et fais comme si de rien n'était, mais ça continue de déblatérer des âneries, brut de décoffrage, je sais même pas ce que ça veut dire, ça, bordel. Vous n'êtes pas ceux qui sont heureux sur cette terre. Mais je ne suis qu'Allal qui se lève les pieds dans la derme. Non, et en train du putain de chanter comme c'est chiant, allez vous faire mettre, etc. Et quand vient le putain de temps, des putains de cerises, alors crevez tous ceux qui font chier sauf mes potes et moi. Ouais, on va les mettre en boîte ces sardines puantes. T'as de merde crevé, nawak ou quoi. What are you up to? Alors survint l'éternité qui n'en finit pas de crever. Et alors me direz-vous, mais non, personne ne me dit rien. Ce ne vaut la peine pas d'être dit, bordel de merde puante en merde puante. L'on saute d'île en île, de radeau en radeau, pour en oublier le but perdu dans l'immensité terribiliste. Alors survient la passion écanime. Et t'es pas là, t'es pas d'ici, t'es d'ailleurs toi. Tu viens pourtant de la terre, mais pas cette terre-ci. Ci et là, tu traverses les horizons plus ou moins lointains, l'horizon de ton ombre et ta provenance, et de l'horizon des cieux tu viens, de l'horizon tel ou tel, tu ne te souviens pas de quel bois tu te chauffes, alors que tu t'ignores, tu espères en l'autre, vil espoir, vaine, misérable entité, tu n'en sombres pas seulement parce que tu pues de la gueule, alors merde, quoi, quack, ne viens, se vient de l'aube, et ce n'en fait pas moins. Pensez au ciel, sphérique ou rond, ma gueule, réaction tergiversale, réaction réagissant contre le tunnel sombre de l'âme, l'âne, arc-bouté, bouturé, boîte pourrie de l'intérieur, comme de l'extérieur d'ailleurs, et ainsi va la vie qu'à la fin elle s'amenuise, pour ne devenir qu'un filet de lumière cristallin, de haut en bas, de bas en haut, sur les côtes, au ciel se diffuse la lumière, dans un tourbillon de spirales odoriférantes. Et après vint l'avenir, en effet, et quel bel avenir que celui qu'on a. Oui, certes, c'est toujours bien l'avenir. Merde, en quoi chiotte, qui s'efface l'avenir, mais qui reste l'avenir. Oui, bordel de merde, oui, mais quel avenir à venir. D'abord on s'en fout, puis on s'en soucie. Chiotte, ça finit plus, ça pète dans tous les coins, dans toutes les ombres fugitives et furtives. Lurks the powers to destroy us all, but suddenly it shatters and splinters all over again, cause the future is to come, and only to come, understood? Foreheadedness is useless in this case, cause forgotten already, no use preparing either, cause it all goes to pot. So what? Freddy Freeloader. So what at all? What if it all lurks? Who cares anymore? They're all dead. Every single, each one of them, all dead and rotting, the flesh molten down to an edge, too many goals set aside, the ones and only one, so here goes again, it shatters, shudders, and splinters, in every single fucking goddamn direction, and the emphasis is on strung out, as in messed up beyond belief. Every single, each one of them is a euphemism. Yeah, fuck it. If it all goes to pot, then fuck it. Here goes nothing. Here cometh the acteth on the faceth of the earth. The face of the earth, as in soil, your diaper, you little bastard, you piece of rotten egg, you fuck, fuck this and fou de jalousie, de rage, vert, disgrace. This is a world of fucking shit, and fucking shit again, but no wonder it all goes wrong. It's cause it's ridden with disease, the disease, la maladie. La maladie, ce n'est qu'au summum de la gloire que l'on peut échouer, échoir et perdre la face. L'on ne peut supporter de choir au plus bas, parce que signifiant tomber, de rien l'on ne peut, donc l'on ne peut choir de plus bas que l'on est logique, non? Mais d'abord, ce se présente comme une découverte, mais vite vient le terme de maladie, mais pas son terme à celle-ci. Là-bas, traîne une jument, désovérisée et pourrissante, sur quatre pattes nonchalantes. Ici, un gros chat de mer qui bouffe toute la journée. D'un autre côté, l'on n'a rien. Et encore d'un autre, pas plus. Et tout compte fait. Suddenly, the light falters. In darkness glows the everyday life. But unluckily, there's a problem. It matters no more, no less. And it shatters, shudders all over again. It writes down a right of problems beckoning to be had. They ask over and over again, begging their ways to be had. So fucking the problems are thusly avoided, but they don't disappear entirely. They spend their time fucking, and hair goes alongside the windmill in another valley of darkness. It's got to be had, it's just got to, and suddenly it glows again, as always the colors shine. So here goes to work, a holism, and fuck that too. Fucking fuck, don't you know you got no right to be here? Ainsi va. Fais ce que tu as à faire, découvre même ce que tu dois faire, et dois tout court, mais tu ne te dois pas te concentrer, pas sur la version planifiée, pas le niveau atteint est tel que oui, que mais pas plus, ainsi va, fais, et ne viens pas recommander les problèmes comme solution, non, car d'enfin, la fin du mois est proche, le toit va régner sur le jeu, le sang, non, tant pis pour la belle vie, ne pas se leurrer, comme beurrer la tartine, et ainsi va, fait. But it all goes on without matter for the ridiculous mixing of sorts with sperm banks and twisted writhing members of gold-plated twist, although the familiarness of it all does not exceed, it seems to wander about, et c'est ainsi que tout va, tout sent, va. Ainsi va la vie, qu'à la fin, tu te brises en mille copeaux de nuit. Le souci, the worry about being worried is that there's no worry, you'll be worried. The wonder with me worrying is the glory of there's no shame to be had. Mais quand d'un coup ça tremble le long des chaînes, le joug se resserre et mord les chairs, mordi devrais-je dire, parce que ça dure plus longtemps. Quand d'un coup de trombe la pompe rejaillit, voilà ce que l'on ne saisit plus, ce que l'on ne sait plus. Que perdre, tout peut-être. So where's to it? Or where's it gone, should I say? Cause I don't want to be understood. I don't want to be found. I just prefer being inside than being here with Charles. Cause in no longer worrying, it's finally over. The worries have ended, the worry. Don't look through the brush. I was asking you the other day, but well, I didn't notice. Now I might have, though I can't see what the worry is. Je vois que le problème est ailleurs, mais malgré tout, je ne crois pas, être ou pas, rien à battre, c'est le presque. Oui, le presque apparemment différent genre, notion, et tout, mais malgré tout, je ne vois pas l'intérêt. Justement, c'est là où réside le presque, comme son grand frère l'OTAN. Le presque demeure inoubliable. The almost is near. It's spreading its wings all over the countryside. It's double-sided and happily mixed with tapes, and tapes of glorious ways to enhance the fashionable visions of past-present ruptured systems of sorts. Of sorts of other things. They are wondering what's the butt nearby. They all alter egos of victims' pride hurt whilst warring again against the wandering pain. Pain, pain, always pain and fucking goddamn suffering. The roots have been upturned and unexcavated. Fucking goddamn excavation like aggravation with winds and winds, all done within the inn. Aggravation with winds and winds, all done within the inn. Not the almost as in always. Piochons, piochons dans les dents de les crèves, les pustules en léchant. L'amibe, sans vraiment savoir. Si seulement t'as ma sa gueule, le truc chelou qui englobe tout, sans vraiment l'être pour autant. I'd like to see somebody up to it, to see correctly, just for sakes. Sake is good to drink, and I fucking it in the ass. Oui, près de la gueule comme une antenne, et ainsi que l'homme qui remplit les ventres. C'est alors que convient la putain d'alchimie, car d'enfin il n'y a rien qu'en moi et toi tu viennes de foutre dans le cul qui pue. Oui, c'est ainsi que l'on voit, à travers la glace, pour faire péter la distendue, les distendues. Ainsi que va la vie, qu'à la fin elle se brise en mille morceaux. Des petits morceaux, plein de petits morceaux. Qui font mal, ces morceaux. Tellement they hurt. That's when discipline kicks in. And the riot starts. As they all fall against the floor dying, that's when they give a fuck. But too much happens. Dans le monde, il n'y a pas point de faveur, point d'ancrage, point d'identité, point de versatilité, point de versatilité, point de versatilité. On ne peut être versatile, genre tactique, oppressante, pression d'oppression, haute, hot et chaude, la brutalité qui fait péter, car d'enfin il n'y a rien. Car voilà, c'est ainsi que tout s'en va, en morceaux qui ne reviennent à rien faire, déchargés, cachés. La chose, the thing is going down, down as winding down, and the whole time shit, as I say, you can't find change in nature. Hope is still the best answer to an unanswered question. The dealers, the leaders, I mean, and fuck up, we multiply, the multiplicity, le scandale ne va pas durer longtemps, car d'enfin, enfin, bon, merde, quoi, shit happens, and kicks in, I mean, don't we all, ne chions-nous pas, ne pas nous chier, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui compte, tenir et saisir, non, le contraire, mais putain, je suis un chien de barbarie et de merde à chier, fuck my shit. Je voudrais aller, point final, non, je voudrais aller, point, mais point de point en contrepoint, oui, point fermé, je frappe contre la porte, en inox, du système tribulatoire, et tributaire, d'exégète, mal appris et mal autru, je frappe contre cette porte à gros coups de poing, à gros coups de main, et j'innove en amenant le style sans rien dire, et j'apporte la sacrée contribution, sans broncher. Niette. Je regarde par la fenêtre et vois un mec défenestré tomber, droit dans le vide, obscur comme un néant, abruti par tant de rivalité, de tergiversation, de débilité et d'assassination. Assassine ta nation, car elle pète plus haut que son cul, comme notre bon Chirac vaseux et omnipotent, genre Beden. Non, pas de mixette dans les mains, juste un mixeur. Il blend jusqu'à plus pouvoir. Dormir comme un ange sans cavalier et un cheval sans cravache. Nous sommes libres d'éviter dans un monde environnant et omniprésent, genre tout le temps, et d'un côté comme de l'autre. Ils annoncent une couleur différente comme d'après un célèbre conte. Les contes sont bernés par les contes, histoire de placer un jeu de mots. Les cannes cannelées du sud-ouest valent mieux que le cassoulet, merde. I'd wanna, yeah. I'd wanna, though I don't wanna know a thing. Tasted down, thought down it. Gosier plein d'oseille, ils tendent les oreilles vers un autre monde. There is the here, and there and everywhere, anywhere. Anyway, this has got to be it, 'cause I'm falling down the hole in my panties and jerking off in somebody with no time. There is to be the first one down. Free your freedom, and you know you gotta do, 'cause anyway, what is there anyway? 'Cause I'd wanna know if I knew. I'd wanna go if I went and sat on this shit down. Je te demande, qu'est-ce qui vaut mieux, un ensemble ou une chose? Je voudrais. Try it out. Ne pas tenir le long des carreaux. Un ensemble de choses rondes, rondelettes, comme des femmes rondelettes, des bites dans le trou. Va te faire niquer, sale vioque, sale merde à chier. And don't wonder what's happened to you, 'cause you know. You know shit on me, a heap of the shit, 'cause remember, goddamn, there goes nothing, there goes something evil, evil head, evil face, face it, you're down again, and anytime soon you'll be going down some more, like, 'cause, and like it, 'cause it's fun to lose, lose, and to pretend you're gonna be a star. Fuck me, fuck you, fuck everybody. Here goes nothing. Here is the here and there and anywhere. It's supposed to be simple, can't find it more difficult than this. And when the season passes the mist, here goes nothing here but there. Yeah, there, that's where it is. Don't listen, just wave and tempère tes ardeurs, bonhomme, pour ne pas dépasser d'une façon ou d'une autre dans la limbe catastrophique. Fuck, say it again, like it spills from overflowing. So, alors voilà, un de moins, ça choque, grave. Et avec tant de phrases, rien ne disparaît, mais quand même, comment écrire, comme ce s'écrit, ce fameux ce qui amène à utiliser des phrases longues et tout, voilà, c'est comme ça, car d'enfin il n'y a qu'en vous. Les gens, les gars, comme les filles, meurent de honte de mourir, et tous, ils manipulent les idées pour en faire les leurs, et puis quand tous se rattrapent, c'est là qu'ainsi tout finit, tout est dépassé, tout rejoint le blablabla, et puis c'est tout. Voilà, t'es comme ça toi, t'es un lord. Alors un lord Pyrrhus alors? Non, lord Pyrrhus n'est plus, et c'est ainsi que ce ne se finit jamais sur une note de tragédie, car d'enfer, il n'y a point en nous. Et lordy, lordy, lordy, lordy, lordy, what's up man? How you been doing? How you doing? How's it been going? Sûrement bien, dernière nouvelle, bien, mais voilà, bon, t'es mort, alors Pyrrhus. Fuck. Ainsi c'est fait, il reste plein de trucs à faire. Encore comment culer un mouton et se gerber. Les tripes dessus dessous, et foutre Dieu par terre, carrément dingue. Oui, je me fais grave yèche. Alors où est l'or? Où l'argent dort-il? Et foutre déesse, plein la gueule, partant sur la bite. Et tout va, tout s'en va, tout crève de mort. Aimer bien longtemps à oublier la façon de faire d'un hal, et tout, pendant qu'il se fout en l'air. À s'oublier, damn it, god damn it, god damn, just a goddamn fuck, I got just another Charlie horse, damn fuck beyond belief. Twisting, turning, and gutting the pork chops down to their bones, till they'll go to fucking hell. Getting the pork chops down to their bones. Passage à l'envers de l'omoplate, pas l'endroit où tout s'installe mais l'autre, celui qui doit à jamais rester secrètement gardé par un gnome. Nain puant de la bite parce que dégoûté d'être nain. Alors quoi, qu'est-ce? T'attends pas pour me casser la gueule, hein? Qu'est-ce t'attends? C'est tout ce que t'as à faire? Alors vas-y, fais ton sale boulot plus tard. Je t'encule de devoir, ou droit, ou gauche, de partout. Je t'encule, toi, rire, et plus tard, bien plus tard, pleurer, mais longtemps cette fois, tu vas mourir, enculé de bâtard, de chien, intenable, et quasi tenace, ténacité, valdingue, le long de ma jambe, dans le pantalon, ça coule, et tu sens l'odeur du sang qui va à contresens dans tes veines, ouvertes dans ta baignoire, dans ta merde, et ta pisse, t'en allais, mat donc, connard, va chier, espèce, espèce de... Allez. Flow continue. So here's the power of the set, and all this shit will unravel. So here's the glory and all. So damn if I don't know what's going on. So fuck it, baise. Alors pourquoi pas? Parce que tu pues la morphine, vase. Alors vas-y, baise. Toi la gueule, rien à foutre. Joueur de cartes à puce de merde. Je m'encule sec à sec avec du gravat, gravel. One bucket later. No such reason to stay and cling to a goddamning bag of shit. So here's to it. Fuck this shit, I'd rather be afraid of waiting than to do without thinking. So the devil is around. The corner is red too. En rouge aussi, la crève se fait dans le sang pendant que l'on se bat. On se bat, pendant ce temps on se bat. Il se tue à coups de dague dans les cœurs. Et tant pis si l'accrochage se fait pour toutes les mauvaises raisons. All the wrong reasons, so here it goes. Alors là, voilà, c'est d'une traite que l'on communique des sortes de merdre. Quoi. Quack, cracking down the motorcycle lane. Likewise, so shit, it's all wrong, nationalistic and all. That's why everything sucks, so shit, fuck. I'm goddamn stoned, goddamn stoner, sludge like slurp. The end. Alors va chier, oui, allons chier tous en cœur, et crevons d'éternité. Et pendant que l'on crève, on chie du sang. Et on oublie l'éternité. Alors tout va, tout s'en va. Pour moi, le temps existant. Pour ne permettre qu'à pleuvoir. Je chie des bulles. Je sais pas, alors j'oublie plutôt que de crever, merde. Je laisse, je baise. Je le prends, je le retourne et je le baise. Alors viens pas me dire que je suis sympa. Je baise plutôt, je te dis, t'as compris? Understood. I fuck Pluto, the dog. Or the god. I fuck the god of dogs. So what? Or should I say, fucked over and over? Well, fuck me. Yeah, I should fuck myself. Yeah, I should, cause I'm fucked. You know, I fuck my knob and spit my bodily fluids all over the floor. I puke and belch and fall on it. I slide down the path of sanity with little or no pride. In fact, en fait, je n'ai de fierté en rien, car je suis mort de peine et de rancœur. Je te dis, j'ai pas assez d'une vie pour sortir de mon inspiration sur papier. Alors ça me décourage de faire. Voilà, je l'ai dit. They have said goodbye. Adios, amigo. See you later, alligator. Don't write down your shameful ways. So we all laugh at him and cry at ours. So what's there to say no to, I can't tell. So fuck it, dude, before I go, I'd like to say shit, merde, je l'ai dit. Et je ne crois pas en l'espoir. C'est une notion infantile pour faire chier. Les grands, ils ont, eux, le désespoir et autres inespérances. Je veux être un grand alors, un grand alors. Je vois plutôt que l'espoir, plus en l'espoir. Voilà. Here, I'm vomiting my lungs out my chest while people don't even watch me do it. So why do they think I'm doing in my pants for shit? I'm shitting my pants so I can get their attention and finally make them realize there's nothing to it. I shit my pants all day long. Je me prépare à gerber pour mieux te chier à la gueule, connard. Non, c'est vrai, c'est la faute, pas la mienne. C'est ta faute, pas la mienne, jamais la mienne, non. Plutôt crever que d'annoncer que tu pues de la gueule. Je préfère largement dire que je ne suis pas dispo. Alors voilà, c'est comme ça. Je trouve hors du commun le propre vulgaire pour expliquer en coups de langue. Je te lèche ta bite pour que tu me craches à la gueule. Good, very good, it's almost perfect. Although it's fucked really. Am I able to say fuck once more? Fuck, I should sleep too. But no, oh no, my dick. Avec de la mayonnaise, je m'assomme à coups de bite et je débite des âneries. No respect. Pendant que je lis ma misère, j'oublie de traverser l'esprit endiablé. Mais pourtant, quand je frappe le gong, je suis entravé de cordes et de menottes. Je me frappe la tête au mur et entrevois la possibilité de crever heureux. Tout triste que je suis, je ne vois pas une solution que... Je traverse mon esprit de part en part, me souciant de tout et de rien. Mais à chaque fois que, obstrué, je viens à me dire « Merde, putain, c'est à ce moment qu'apparaît une mine enjouée ou triste. Qu'importe la mine, c'est plutôt une question d'adresse. L'adresse d'arriver au moment non voulu me frappe de casse aromatique et bourré de tics lexicaux. J'arbore un écriteau de sang, le contrat de la vie et de mourir, bien que l'on le soit déjà d'avance. Mourir, l'on est mourir, le pourquoi du comment m'échappe. Mais voilà, Je préfère étaler la merde sur le bord du couvercle pour qu'on le voie bien, mais pas pour montrer aux gens que j'aborde la propreté de moi et du cul. Rien. La clé, putain. Quelle clé à chier. Elle me saoule, elle fait chier. C'est comme la vie, elle fait chier. Toujours faire comme si c'était facile, et pourtant c'est pas facile. Et pourtant, on fait encore toujours comme si de rien n'était. Alors on se fait chier, et on crève d'envie de mourir. Chantons tous en chœur, comme si de rien n'était. Crevons tous en paix. Flatulence suprême de crever de merde, et ainsi on occupe l'espace heureux comme des cons, et on va au large de l'espoir pour ne pas s'obstruer. Le cœur s'en va au large, en long, en travers, je traverse, les cieux s'obstruent à leur trou du cul pour ne pas fondre. La glace qui entoure l'espace emplit le vide d'absence, de chaleur donc de froid, il y a de temps en temps. Mais voilà, pourquoi demander le reste, non? Je ne demande pas mes restes, ni n'y pense tout le temps. Ce temps qui m'obstrue, l'espace, interveineux système, capillaire, obstrué par la pisse, et la chiotte, et la demeure, et l'épiderme obstrue, le trou de balle, pour faire chier et faire pisser. Ainsi, je chope un truc dans la main et me frappe le visage bleui par tant d'autres coups reçus. Ainsi, va le faire, va le allons les vies de calcul et d'emmerde faite, comme des enfaites prises dans le cul. Dégorger le poireau ne dit pas la vérité, mais l'heure, tous, ils sont, toutes les fois que j'ai gerbé, m'ont fait gerber mes veaux gras, comme caca, comme boudin blanc. Alors tu nous fais, du boudin connard, va chier, sale putain de merde, toi, va chier la chasse pourrite, qui te sort du trou de balle, pourri, que t'as dans le cul, sale saleté, espèce de sale saleté, sale et puante, comme demain, ou après, quoi après, alors quoi, rien. I just can't focus on nothing, shit. Fuck this shit, I can't see shit, damn it. I just take too much of it, shit, god damn it. Well, fuck it. C'est ainsi que progresse le mal, voulu ou non. Et c'est ainsi, aussi, que l'on se submerge de maladies. Le mal-être et le malaise. Et c'est donc pourquoi l'un et l'autre cohabitent ponctuellement, blablabla. Alors voilà. On se retrouve à rythmer l'activité à longueur. Ça fait chier à la longue. Alors on se retrouve le soir devant un repas bien chiadé, genre, y'a que ça. Pourquoi supporter la demeure quand tout est à chier? But like, I march along in front all these fuck fat-faced butt-like faces of an unpolished raw fucking damn. But well, forget it. 'Cause that's what'll happen. Again aussi, fais à ta guise, fais-toi souffrir, connard, gros con de merde, garde tes secrets pour toi, n'aie peur que de toi, si tu peux voir, vois, gros con, de mer, c'est la de mer, elle est là, à te regarder, bien profond, elle, c'est-à-dire la connerie, belle, ou sympathique, ou pas, alors voici, la voie que tu vas suivre, celle d'une existence privilégiée, celle de l'homme blanc, fils de pute, ça veut plus rien dire, alors merde, ou ailleurs, non mais, plutôt que de crever, chie, pauvre con. Chie. Nous sommes le 28 mai 2010 à Toulouse, dans les locaux de Canal Sud. Il est 22h10. Ces nuisances.